Oh, bonsoir et bienvenue au Centre de l'Universalité. C'est François Payotte qui est heureux de vous accueillir pour cette conférence en compagnie de Daniel Kemp. Alors, comme il y a de plus en plus de nouveaux visages dans la salle, une obligation de vous faire quelques petites annonces pour vous expliquer comment on fonctionne. Alors, la conférence se déroule en deux parties. Une première partie d'interview, ensuite de quoi il y a une pause, et après la pause, une période d'une heure où on ramasse vos questions, vous nous faites parvenir vos questions sur la table, ici, questions écrites, qu'on posera à Daniel Kemp de votre part. Je vous rappelle également qu'à l'achat ce soir du billet pour la prochaine conférence de Daniel Kemp, qui aura lieu donc le vendredi prochain, sur les mécanismes de l'amour intelligent, à l'achat de ce billet-là ce soir, vous pourrez bénéficier de la première cassette, l'enregistrement de la première partie, gratuitement. Je vais également vous annoncer que le symposium sur la conscience supramentale s'en vient très prochainement. C'est le dimanche 23 mars, en compagnie de Roger Drolet. Je pense que vous connaissez le monsieur avec les petites sandales acupressage, la ceinture maniflu, les tisanes Calmex et tout ça, là. Vous connaissez cet aspect-là de Roger. Mais vous allez voir en conférence, il est très très différent. Il est plus achalé par les messages et les commandites. Alors, il y aura donc Roger Drolet, il y a aussi Raphaël Payeur. Il y a une petite rectification, ici sur la feuille, c'est marqué Raphaël. C'est vrai qu'il est bon comme deux, mais c'est Raphaël Payeur. Il y a ensuite Maryse Thomas, c'est une jeune conférencière, je pense que ça va être sa première conférence. C'est une personne qui a suivi les cours PMC, ici le programme maître-contrôleur établi par Daniel Kemp, et on va voir un peu le résultat. Ce dimanche 23 mars. Et il y aura donc aussi Daniel Kemp pour la clôture de ce symposium. Et par la suite, après 20h30, c'est-à-dire à 21h, on termine toujours avec un panel. Les quatre conférenciers sont en avant et là, vous y allez de vos questions pendant une heure. Alors, à l'occasion de ce symposium, il y a également un tirage qui se fait pour une fin de semaine de voile sur le lac Champlain. Vous avez reçu des petits billets bleus qui sont à remplir, à mettre dans la boîte. Et si vous êtes là le jour du symposium et que vous gagnez le prix, à ce moment-là, le prix est valable pour deux personnes au lieu d'une. Il me reste aussi à vous annoncer que, à la pause, Daniel Kemp dédicacera son livre « Il n'y a pas d'autres terres, pas d'autres hommes ». Vous trouverez ce livre-là, vous pourrez l'acheter aussi, le faire dédicacer par Daniel. Et que ce soir, eh bien, Daniel Kemp a crevé un mur. Il a percé le mur du sang, pas le mur du son, mais le mur du sang, puisque c'est sa 101e conférence ce soir. Alors, pour ceux qui le suivent depuis ses tout débuts, ici, ça fait un an et demi qu'il est en conférence, il nous a habitués à toutes les formes possibles de conférence, à toutes les formes possibles de dépassement aussi au niveau de la pensée. Et ce soir, je crois qu'il a atteint un point culminant, puisqu'il va nous faire une conférence sur ceux qui ne se pensent pas. Alors, mettez-vous un peu dans la peau de l'intervieweur, pour lequel ces questions commencent toujours par « qu'est-ce que vous pensez de… » Qu'est-ce que vous pensez de ceci, qu'est-ce que vous pensez de cela ? Est-ce qu'il va falloir qu'on change la formule et lui demander « que ne pensez-vous pas de ceci ou que ne pensez-vous pas de cela ?» Alors, on accueille sans plus tarder maintenant Monsieur Daniel Kemp. Daniel, bonsoir. Je pense que… Ouais, ça commence. J'allais dire, je pense qu'on va commencer par le commencement. Il est bien difficile de savoir où est le commencement là-dedans. En faisant référence, je crois que c'était Descartes, il me semble, qui disait « je pense, donc je suis ». Si je ne pense pas, est-ce que je suis quand même ? Bon, alors « je pense, donc je ne suis pas » serait plus précis. « Je ne pense pas, donc je suis » serait encore une fois plus précis. Sauf que celui qui ne pense pas ne sait pas qu'il est, mais il est. Et celui qui pense n'est pas, mais pense qu'il est. Bon, on recommence. J'étais pas là, non plus. Bon, on va expliquer. Je pense qu'il faudrait... Ouais, ça y est, je pense que... Sans penser que je pense qu'il faudrait commencer par expliquer le phénomène de la pensée ou les mécanismes de la pensée, peut-être pour savoir... Pour pouvoir faire la différence entre ce qui se pense et ce qui ne se pense pas. Je pense pas que ça serait bon, fait qu'on va le faire. Pour faire allusion à ton introduction. Bon. Il y a deux mécanismes au niveau de la pensée et un mécanisme au niveau de l'absence de pensée. Il y a une pensée qui qui chemine à l'intérieur de la conscience de l'être humain et qui ne s'exprime pas nécessairement par l'action, par la parole, par la gestuelle, etc. Et il y a une pensée qui, elle, ne se pense pas au niveau de la conscience de l'individu, mais qui, par contre, va s'exprimer au niveau de la gestuelle et au niveau de la parole. Évidemment, on peut allier les deux. C'est ce qu'on appelle préparer ce que l'on va dire. Alors, tout ce que François a donné, ou tout ce que je dis présentement, ou normalement, lorsque deux êtres humains vont discuter ensemble, font partie du deuxième phénomène de la pensée, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas le temps de voir ce qu'ils pensent dans leur conscience, parce qu'ils l'expriment instantanément ou immédiatement au fur et à mesure que cette pensée apparaît chez eux. Cela veut dire que je demande par exemple à François, je pose une question, je vais l'interviewer un petit peu. Que penses-tu de la couleur de ce pamphlet? Tu réponds. Qu'est-ce que je pense de la couleur de ce pamphlet? Ce qu'il vient de dire fait partie, il n'y a pas pensé à ce qu'il allait dire, mais il l'a dit. Alors, ça fait partie du deuxième phénomène de la pensée, c'est-à-dire que c'est un mécanisme de pensée qui n'a pas le temps d'être mémorisé avant d'être servi. C'est un réflexe. Exactement. Alors, ce qui fait que si nous discutons tous les deux de ta cravate, par exemple, ou de mon absence de cravate, on peut se mettre à parler. Alors, on va penser à haute voix, ce qu'on appelle discuter. C'est un mécanisme de la pensée, mais on peut aussi penser dans notre tête. Alors, les moines disaient souvent que l'homme, avant de parler, doit tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Lorsque j'étais jeune, j'ai déjà essayé ça et je pensais à tourner ma langue cette fois dans ma bouche, ce qui fait que je ne pensais pas à ce que j'allais dire. Et lorsque je parlais, c'était comme si je n'avais rien dit, rien fait. Ça ne changeait rien. De ces deux mécanismes de pensée, celui où l'homme est là, il réfléchit. Il pense à ce qu'il peut dire ou il pense à ce qu'il peut faire. Et celui où l'homme, sans être conscient de sa pensée, parle ou bien agit, ces deux mécanismes sont reliés à la même source, à l'expérience, donc à une forme de programmation mémorielle. Tandis que ce qui ne se pense pas, la faculté d'avoir un savoir instantané, la faculté de pouvoir répondre à n'importe quelle question, sans savoir au préalable la réponse, sans même en savoir les données au préalable, c'est quelque chose de neuf, au niveau de l'être humain, d'une façon collective, d'une façon de groupe, et c'est quelque chose qui fait peur à l'homme ancien, à l'être ancien, à la femme ancienne. Le fait de dire, par exemple, je prends quelqu'un ici parmi l'assistance et je lui dis, viens m'interviewer. Alors la personne va dire, alors je suis pas prête, je sais pas, voilà. Cette personne se réfère à son expérience. Donc, elle n'a pas, selon elle, ce qu'il faut dans son expérience mémorielle pour arriver à penser convenablement pour m'interviewer ou pour faire une conférence. Tandis que la personne qui est reliée au savoir spontané, elle n'a pas besoin de se préparer, elle n'a pas besoin d'être préparée. Si elle s'assoit ou si on lui pose une question, eh bien elle répond. Alors c'est simple, ça ne fait pas transpirer, ça ne donne pas le trac, ça n'énerve pas, ça permet à cette personne de jouer au tennis, cinq minutes après avoir pris une douche, de venir faire une conférence et de retourner sa partie de tennis après la conférence, sans qu'aucun stress égoïque ne soit parvenu à sa conscience. Qu'est-ce que la pensée? Je pense, donc je suis. Totalement faux. Je ne pense pas. Donc, je suis serait plus vrai. Mais je ne pense pas, donc je suis ne peut pas être pensé. Parce que si on pense qu'en ne pensant pas, on est, c'est qu'on pense. Donc, on pense, donc on n'est pas. Au niveau de l'être nouveau, il y a souvent des choses qui paraissent paradoxales. Lorsque l'on dit « l'être nouveau aime parce qu'il n'aime pas, l'être ancien n'aime pas parce qu'il aime », c'est paradoxal. Lorsque l'on dit « je pense, donc je ne suis pas », »,« je ne pense pas, donc je suis », cela aussi paraît paradoxal. Pour être, il faut être capable d'être. C'est-à-dire que pour exister dans un monde qui s'appelle l'actuel, dans un monde qui s'appelle le présent, mais un présent réduit à l'instantanéité. Un présent qui n'ose pas s'attacher au présent. pour se transformer en passé et en mémoire du passé. Pour être, on doit être vivant. Paradoxe, la personne qui a dit cela le premier est morte dernièrement. Krishnamurti. Mais effectivement, l'homme qui vit dans son passé n'est pas dans le présent. C'est-à-dire que l'homme qui pense n'est pas en affinité, n'est pas en résonance avec l'instantané. Donc, il ne peut pas avoir un savoir instantané. On va revenir sur le savoir instantané. Le fait de pouvoir penser, le fait d'être capable de réfléchir, une forme d'énergie dans un miroir qui porte le nom de conscience, amène l'homme à accumuler de ce savoir. Il amène l'homme à accumuler de l'expérience, de la connaissance. C'est-à-dire que l'homme est constitué par une forme d'énergie que l'on connaît sous le terme d'ego, ce que j'appelle aussi la psychologie. L'étude de l'âme, psychologie. L'homme est constitué par une âme. Prenons un exemple terre-à-terre, facilement perceptible par tout le monde. Vous pensez dans la langue où vous parlez. Celui qui est bilingue peut aussi penser dans deux langues. Celui qui est trilingue peut aussi penser dans trois langues. C'est-à-dire que celui qui est bilingue, lorsqu'il parle en anglais à un anglais, pense en anglais. Lorsqu'il parle en français à un français, pense en français. Vous n'êtes pas capable, présentement, de penser en russe, en tchèque, en espagnol, pour ceux qui ne parlent pas l'espagnol, en péruvien, en quiché. Pour la simple raison que vous n'avez pas appris ces langues ou ces dialectes. Donc, vous ne pouvez penser qu'à partir de la langue que vous avez appris. Cela veut aussi dire que vous pouvez penser seulement et strictement à partir de ce que vous avez appris. Vous ne pouvez pas penser à partir de ce que vous n'avez pas appris. Si je vous demande de me parler de physique nucléaire, pour la grande majorité, vous ne pourrez pas. Parce que vous n'avez pas appris. Si je vous demande de me donner la vitesse de la lumière, pour la majorité, vous ne pourrez pas. Parce que vous ne l'avez pas appris. Et regardez le dilemme dans lequel l'être humain est placé par le fait qu'il ne peut penser à rien de neuf, mais qu'il ne peut créer qu'une illusion de neuf en brassant le passé. Êtes-vous capable de réfléchir à quelque chose que vous ignorez? Non. Est-ce que certains parmi vous savent ce qu'est l'animal qui porte le nom de marsupilami? Pas tous. Alors ceux qui ne savent pas ne peuvent y penser. Par contre, si je vous demande, savez-vous à quoi ressemble un hippopotame? La grande majorité, vous allez être capable de visualiser l'hippopotame, parce que vous l'avez appris. Mais savez-vous ce qu'est un archéoptérix? Ou ce qu'était, pour être précis? L'archéoptérix a été le premier reptile volant à avoir des plumes. C'était l'un des descendants des dinosaures, du ptérodactyle, du ramphorhynchus, on pourrait en nommer. Vous ne pouvez pas penser paléontologiquement si vous n'avez pas appris. Tout ça pour que vous saisissiez, à l'extérieur de votre phénomène orgueilleux, le fait que vous n'êtes pas capable de penser à quelque chose qu'on ne vous a pas inculqué. Vous n'êtes pas capable de penser à quelque chose qui n'a pas été mémorisé d'une façon quelconque au courant de votre vie, consciemment ou inconsciemment par vous. Alors, ce mécanisme de la pensée, vous pouvez penser à partir de ce que vous savez. Vous n'êtes pas capable de me dire de quelle façon est construit un distributeur d'auto, pour ceux qui ne savent pas. Alors, le mécanicien ou celui qui a appris un peu de mécanique va un peu m'expliquer à quoi sert les petits balanciers dans un distributeur d'auto. Mais ceux qui n'ont pas appris ne peuvent pas. C'est là la limite de la pensée humaine. Et ce soir, vous devez arriver à bien cerner la limite de cette pensée. Traditionnellement, à l'échelle de la planète, on essaie d'inculquer à l'homme le pouvoir de la pensée, la puissance de la pensée, alors que la pensée est la puissance de l'ignorance. La pensée humaine essaie de constituer des choses sur ce qu'elle ne comprend pas et sur ce qu'elle ne perçoit pas. Elle est un mécanisme de désordre. Ce que l'homme ne voit pas, il essaie de l'imaginer. Et la pensée est l'une des facultés expressives de l'imagination. On dit que la pensée peut guérir. C'est vrai. À la seule condition qu'elle cesse de rendre malade. Mais elle ne peut pas guérir. Elle peut empêcher la maladie, c'est-à-dire qu'elle peut cesser de rendre le corps malade en puisant dans l'énergie vitale et dans l'énergie physique l'essence même de son existence, de sa pensée. Pensez à être pauvre, vous serez pauvre. Pensez à être riche, vous ne serez peut-être plus pauvre, mais vous ne serez pas riche. Pensez à être malade ou pensez d'une façon maladive, vous serez malade. Penser d'une façon constructive fait que vous allez cesser de penser d'une façon maladive. Alors les maladies créées par votre façon de penser vont disparaître. Là, il y a guérison par la pensée. Mais plus loin, on ne peut pas. La pensée est limitée. Alors on va essayer de convaincre l'humanité, et ça c'est l'une des forces manipulatives, des forces d'involution planétaire. On va dire à l'homme que par le pouvoir de la pensée, il peut faire bouger les objets à distance, alors que c'est totalement impossible. Certains humains, involontairement, font bouger des objets, les brisent, perturbent l'électronique ou l'électricité. Involontairement, parce que ce n'est pas inhérent à leur pensée. Lorsque l'homme passe son temps à penser, à se concentrer, pour faire bouger quelque chose, il n'y arrive pas. Certains, un jour, vont arriver à faire quelque chose, mais ce ne sera pas par la pensée. Mais vu que leur pensée a été canalisée vers cette action, ils vont croire que c'est l'un des résultats de la pensée. Une expérience PMC que je vous demande de faire, et j'aimerais que tout le monde vous participiez. Parce que c'est important que vous découvriez de quelle façon l'homme peut se faire charrier, de quelle façon l'humain peut se faire manipuler à rester imbécile, parce qu'il reste dynamisé sur une faculté limitée de ce qui le constitue, la pensée. L'homme n'arrive à rien avec la pensée. Il pense arriver, il pense penser. Alors, on fait une expérience bien simple. Pour ceux qui ont suffisamment d'ego et d'orgueil pour être gênés, essayez quand même. On va prendre son bras droit et on va le laisser pendre à côté de soi. Et que c'est donc facile. Et là, on va découvrir que la pensée est une faculté tout à fait limitée de l'homme. Mais qu'il y a quelque chose d'autre. Alors, on se concentre par la pensée pour faire en sorte que notre bras lève, que notre bras se lève. Alors on se concentre, on fait, mais faites-le, essayez, par la pensée de faire bouger votre bras. Remarquez que la majorité des imbéciles essaient de faire bouger quelque chose, alors que le bras qui est relié à leur propre conscience cérébrale ne bougera même pas par la pensée. Encore moins le verre. On lève, on se concentre pour faire lever le bras. On met tout ce qu'il faut par la pensée. Allez-y, vous ne réussirez pas. Maintenant, on lève le bras. Et c'est autre chose. C'est tout à fait autre chose. Imaginez-vous un corps relié à la faculté d'être contrôlé par la pensée. Ça ne serait même pas viable. Vous devriez penser à respirer, à faire circuler le sang, à sécréter les hormones, à équilibrer le corps, etc., etc., etc. Mais ce n'est pas tout. Le réflexe ne pourrait même pas exister dans un corps manipulé par la pensée, parce que vous devriez penser avant d'agir. Et la pensée est extrêmement lambineuse. Le corps en mourrait rapidement. Vous conduisez une automobile et vous devez penser chaque fois que vous devez éviter quelque chose. Vous éviterez pas grand-chose. On vous lance quelque chose, vous devez penser avant d'agir. Lorsque vous allez penser qu'il faut agir, il sera trop tard. Vous jouez au ping-pong? Pensez à vos coups en jouant au ping-pong. Non. Il y a quelque chose d'autre chez l'homme qui s'appelle... On peut mettre plusieurs noms, mais c'est l'instantanéité. Et cette instantanéité, elle a la faculté de permettre à l'homme de vivre. C'est cette instantanéité qui vous permet de jouer, de faire du sport, mais de rester intégralement en vie. Ce n'est pas la pensée. La pensée, elle accumule les choses vécues par l'instantanéité du corps physique, du corps vital, du corps astral, du corps mental. Elle l'accumule et après, elle médite dessus. Elle ressent cela pour dire, j'ai fait ceci, j'ai joué à ceci. Ou encore, paf, wow, le beau coup. Et qui l'a fait le coup? Pas la pensée. Elle jouit du coup. Que quelque chose chez l'homme, chez la femme, a permis. Mais ce n'est pas la pensée. Être, c'est d'être capable d'être vivant. Ne pas être, c'est être mort. Ne pas être, c'est être assujetti aux choses mortes. Ne pas être, c'est être assujetti à ce qui ne vit plus. Et la vie, elle n'est réelle que dans un laps de temps intemporel qui porte le nom, imbécile, d'instantanéité. Même le nom instantanéité, quand je dis imbécile, c'est parce que ça prend déjà presque une seconde à dire instantanéité. Ça n'a rien à voir avec l'instantanéité. Si l'homme, si la femme et si l'enfant apprend à découvrir chez lui ce qui est instantané, la chose, l'énergie, la faculté, la puissance, le pouvoir, appelez ça comme vous voulez, qui lui permet de prendre quelque chose, de le lancer et de le rattraper. Juste ça. Oh, médicalement parlant, on parle de coordination avec ceci, ceci, ceci, ceci, mais il y a des personnes qui ne sont pas capables. J'ai pensé. Et lorsque je pense et que j'attrape, je dis la pensée a un pouvoir. Et c'est là le problème. Lorsque l'on pense et que en même temps l'énergie qui nous habite, ce qui vit, permet d'accomplir une action, la pensée qui est le phénomène réflexif de l'ego s'imagine automatiquement que c'est grâce à ça. Il y a quelque chose chez l'homme qui, par instinct de survie, peut s'exprimer. Il y a quelque chose chez la femme qui, par instinct de survie, peut s'exprimer. Il y a quelque chose chez l'être. Quelque chose qui est autorisé par l'ego, par la mémoire, à vivre. Parce que si cette énergie ne pouvait s'exprimer, le corps physique mourrait. Et autre chose, parce que si cette énergie ne pourrait s'exprimer, l'ego ne pourrait plus accumuler mémoire sur mémoire pour se donner l'impression qu'il sait. Donc, pour se rassurer. Cette faculté peut porter un autre nom, énergie intentionnelle. La seule énergie créatrice qui permet l'homme et qui permet à l'homme d'être. Mais les noms, c'est pour se comprendre. Sachez ceci, lorsque vous pensez en vue de régler un problème, vous essayez de régler le problème à partir de votre expérience. Plus un être humain a de l'expérience dans un domaine, plus il se sent sécure dans ce domaine. Ce qui limite encore une fois sa possibilité d'évolution. Parce que s'il est sécure dans une religion, il fuira le reste, ou il sentira de l'insécurité. Parce que s'il est sécure dans la mécanique, il fuira le reste de toutes les conditions matérielles qui peuvent lui permettre un jour de s'améliorer. La sécurité par la pensée ou par l'expérience fait que vous allez refuser un jour d'avoir d'autres formes d'expérience. Vous faites 2-3 sports, pourquoi aller en faire d'autres? On est bien dans ceux-là. Vous faites 2-3 études, pourquoi commencer dans quelque chose de totalement différent? On est bien. Sauf si on manque notre coup, on recherche la sécurité. Il y a quelque chose chez l'homme d'intelligent, non pas d'intellectuant, c'est-à-dire non pas relié à la pensée. C'est-à-dire non pas relié aux mémoires. Vous pouvez penser qu'à partir de vos mémoires. Et c'est pourquoi la pensée est morte. La pensée, ce n'est pas quelque chose de vivant, c'est quelque chose d'inexistentiel dans l'étape d'être, dans l'instant présent. Si vous oubliez tous vos mémoires, vous ne pouvez plus penser. Vous allez agir dans le vivant comme un bébé qui vient de naître. Vous allez réagir aux stimuli immédiats sans les enregistrer, jusqu'à temps que le corps ait la faculté biochimique d'enregistrer la mémoire. Alors là, vous allez commencer à accumuler de l'expérience, vous allez pouvoir commencer à penser. Je prends un exemple. Les chiffres sont arrondis parce que je n'ai pas la tête à calculer au centième près. Je prends un exemple. 150 000 personnes chaque semaine achètent un billet de loterie. Chaque semaine, un tirage d'un million de dollars est donné et chaque semaine, une personne gagne. 150 000 personnes espèrent gagner. C'est un phénomène typique de la pensée, mais non pas de l'intelligence spontanée. Voyant ce que je suis, voyant ce que je peux être, mécanisme tout à fait de la pensée, parce que si je peux voir ce que je peux être, c'est que je l'ai en dedans. Je sais que je peux gagner 1 million. Je sais que ce que je peux acheter avec 1 million. Je m'imagine plusieurs choses et là, j'achète un billet de loterie. Et je m'en remets souvent à cette loterie. Dans 2884 années, les 150 000 personnes auront été millionnaires. Plus de 68 seront nécessaires à certains s'ils mettent de l'argent chaque semaine dans ce billet de loterie dans l'espoir de gagner. Mais ça, la pensée ne l'amènera pas à l'être humain. Maintenant que j'en parle, ça va l'amener à l'être humain. Si une personne à 20 ans commence à acheter ce billet de loterie chaque semaine, et si elle meurt à 60 ans, elle aura vu 2080 gagnants sur 150 000 dans sa vie. Elle a une chance sur une soixantaine d'être l'un de ceux-là. Sinon, dans une autre ville, devra recommencer. Et dans une autre ville, devra recommencer parce que 150 000 personnes, un gagnant chaque semaine au-dessus de 2800 années. 500 000 personnes calculer. Mais la pensée ne pense pas ça, la pensée. La pensée, elle pense que oui, mais si je gagne. Oh, ça peut être amusant de mettre 1 dollar ou 2 ou 10 par semaine. Ça peut être amusant. Si c'est juste amusant, amusons-nous. Mettre 1 dollar ou mettre 5 dollars pour voir un film, ou amusons-nous. C'est parfait, ça relaxe. Mais lorsque la relaxation devient un mécanisme qui nourrit la pensée et qui fait qu'on en transpire, qui fait qu'on recommence, qui fait qu'on veut, qui fait qu'on veut, qui fait qu'on veut, ce mécanisme de la pensée qui fouille dans les mémoires et qui essaie de vous créer un avenir, tandis que l'avenir n'existe pas encore. Être spontané veut dire être capable de ne plus penser. Être capable de ne plus penser tout en étant attentif, tout en étant alerte, tout en étant disponible à la vie. Cela veut dire que depuis le début de cette conférence et depuis que je fais des conférences, je ne pense pas. Lorsque je dis que je fais des conférences parce que j'apprends, c'est vrai. N'ayant pas besoin de me préparer, je parle. Je parle simplement, je parle. Et ayant la possibilité d'avoir accès à ce savoir instantané, à ce savoir spontané, à ce savoir non relié aux mémoires planétaires, je peux me permettre d'apprendre. Mais j'apprends plus vite que n'importe quel être humain, pour la simple raison que je n'ai pas besoin d'attendre qu'on ait suffisamment transformé le passé pour en créer un présent. As-tu qu'il devrait travailler s'il voulait vivre. Alors il a marché pendant une journée à contourner ce lac qu'il croyait aussi reconnaître. Et c'est là la mémoire expérientielle. C'est là qu'elle peut tromper l'homme. Après avoir fait le lac, il n'a toujours pas retrouvé ce qu'il cherchait. Mais il a trouvé une cabane. La nuit revenait. Il est rentré dans la cabane. Il y avait une truie, non pas un cochon, un poêle à bois, du bois, quelques boîtes de conserve, une couverture de plastique et des sacs en polythène. Alors il a allumé son feu de bois, il s'est réchauffé, il a dû découper ses bottes pour les ôter. Mais avant, il a dû mettre ses pieds dans la truie pour faire fondre la glace. Et lorsqu'il a retiré ses bottes et ses bas, ça sentait mauvais. Il ne sentait pas ses pieds, ils étaient durs comme des blocs de glace. Après avoir mangé, il est ressorti, il a mis des sacs de polythène autour de ses pieds, ses bottes ne faisaient plus, et il a marché une autre journée, après avoir su où il allait. Après une autre journée, il s'est rendu compte qu'il ne savait toujours pas où il allait. Mais il était chanceux parce qu'il a trouvé un deuxième chalet sur le bord du même lac avec une chaloupe. Dans ce chalet, il s'est rendu compte qu'il avait perdu l'un de ses sacs de polythène, donc il avait marché nu-pied une journée de temps, sur un pied. Notre bonhomme s'est assis, il a commencé à avoir peur. Certains diront, il était temps. Le lendemain, il a essayé de mettre la chaloupe à l'eau. Il a manqué son coup, il a glissé, il est tombé dans l'eau. Alors, il est revenu se réchauffer. Une autre journée. Il a réussi à mettre sa chaloupe à l'eau. Il a traversé. Et de l'autre côté, il est monté sur le bord du lac. Il a rencontré une route. Un camion de l'Hydro-Ontario passait par là. Il l'a ramassé. Les médecins vont dire que c'est incroyable. Ce bonhomme a vécu. C'est formidable. C'est moi qui pas stupide. L'autre phénomène humain, c'est un indigène, descendant des Mayas, qui, dans une jungle dense, se perd, lui aussi. Parce qu'il a suivi des sentiers pour aller à la chasse, et il s'est trompé de sentier. Il avait cru reconnaître les sentiers, et ce n'étaient pas les bons sentiers. Après 1h30 de marche, les sentiers disparaissent. Alors, à la machette, il poursuit, croyant reconnaître des têtes d'arbres. Et après un moment, il se retourne vers nous et il nous dit, « Je sais plus où qu'on est. » Alors, notre bonhomme s'éloigne de nous. Et il commence à regarder la tête des arbres, à faire le tour, 360 degrés. Il respire, il sent. Il est totalement déconnecté de ses mémoires. Et il vient nous voir, il dit, par là-bas, on s'en va. Alors nous, on suit. Parce que nous, n'importe où, c'est pareil. Alors on suit, après une autre demi-heure, il arrête. Et il fouille. Il découvre que, en contournant une lagune, on va arriver direct. C'est plein d'eau, c'est plein de serpents, c'est dangereux. Alors, il préfère prendre un autre détour qui va être plus rapide en temps, mais plus long en distance. Un autre détour qui peut le perdre. Il ne peut plus être perdu parce qu'il est devenu un être vivant. Alors, on contourne par un autre chemin. Il arrête encore. Il grimpe sur une vieille souche. Il respire. Il sent. Il descend. Il dit c'est par là. À la machette, on ouvre un chemin dans une espèce de grande jungle où on n'a que des grandes plantes vertes, où on ne voit absolument rien sauf les plantes qui tombent frayant le chemin. Et au bout d'une vingtaine de minutes, on arrive en arrière de la hutte d'où on était parti. On n'arrive pas du tout par le même chemin. On arrive par un endroit où notre guide n'est jamais arrivé. On est arrivé direct dessus. Pourquoi? Et là, si les médecins l'observent, ils vont dire « Ah, mais c'est normal. C'est un être humain, il a le sens de l'orientation. » Et l'autre qui n'a pas le sens de l'orientation, c'est formidable. L'un des deux est relié à sa mémoire du passé. Il pense. Et tant que l'expérience qu'il a peut réellement être placé en affinité avec l'actuel, ça fonctionne, la pensée. L'homme peut se permettre de penser que dans un cadre connu, mais dans un cadre non connu, c'est un danger de penser. Notre guide a cessé de penser parce que quelque chose de vivant chez lui a dit que si tu veux retrouver ta cabane et ne pas passer la nuit dans cette jungle, faudra que tu t'attaches à la vie. Le savoir instantané, il s'est branché, il a observé, il n'a rien vu, mais il a su. Il a su par où aller. Il a su quels étaient les chemins les plus faciles. Quels étaient les chemins qui en temps seraient les plus courts. Il a su. Comment? Ah, il ne le sait pas. C'est par là. On veut l'astiner? Pas de problème. Bye bye. Lui s'en va par là. Il peut donc se permettre, comme d'autres indigènes plus sauvages que j'avais rencontrés dans la jungle du Guatemala, il peut donc se permettre d'aller à la chasse. Ils partent à la chasse dans la jungle, ils reviennent 4-5 jours après. Savez-vous combien d'êtres humains présentement dans un territoire connu, dans un territoire industrialisé, comme prenons l'exemple du Québec, pourraient partir dans une forêt, même une forêt connue, une semaine de temps et marcher sans arrêt pour revenir exactement au point de départ, sans boussole, sans carte? Pas beaucoup. Provencher, peut-être, mais dans la forêt, ils ne pensent pas. Certains montagnais, peut-être, mais dans la forêt, ils ne pensent pas. Et remarquez que dernièrement, on a même des Amérindiens qui se perdent et les forces canadiennes sont obligées de partir à leur recherche parce que ce sont des êtres qui sont de plus en plus civilisés. Et ils se perdent. Le savoir spontané n'est pas là strictement pour permettre à l'homme de garder son véhicule physique en bon état. Il est là aussi pour permettre à l'homme de savoir ce qu'il est. Alors, l'homme ne se pose plus de questions, parce que se poser une question, c'est penser. Mais c'est intéressant, pareil, de répondre à des questions qu'on ne se pose pas. C'est ce que je fais. C'est pourquoi je veux que vous me posiez des questions. Parce que si je regarde, moi, j'en ai pas à poser. Alors, j'aime bien répondre. Mais je n'ai pas de questions. J'ai besoin d'un intervieweur de temps en temps. Pour me poser des questions. Une chose qui est essentielle à saisir, c'est qu'on a instruit le Québécois, on a instruit le Canadien, on a instruit l'humain qu'il était un être médiocre. Qu'il était un être assujetti à sa pensée. Et cela a été vrai pendant quelques millions d'années. Lorsque l'homme est assujetti à sa pensée, on peut le programmer, on peut le collectiver et on peut décider pour lui. Parce qu'il ne peut pas penser s'en sortir, vu que jamais il n'a appris qu'il pouvait s'en sortir. Lorsqu'un être humain commence à dire « c'est vrai, mais je pourrais être libre », c'en est fait de la tyrannie. Mais tant que l'être humain n'a pas l'idée qu'il peut s'en sortir, il reste dedans. On va dire c'est vrai et on peut dire c'est faux. Tant que l'esclave ne sait pas qu'il peut s'en sortir, il est bien esclave. Tant qu'un peuple ne sait pas qu'il peut renverser le tyran, il est bien. Vous savez que lorsque les Allemands sont pénétrés à Paris, beaucoup et même la majorité des Français pensaient que les Allemands étaient intuables, ils étaient immortels. On ne pouvait pas tuer un Allemand, on tirait dessus et les balles ricochaient. Alors on n'a pas essayé. Et à un moment donné, certaines personnes suffisamment frustrées ont décidé de tirer dessus juste pour les écœurer. Qu'ils ont fait? Ah, oh, ça s'est su vite! Et on a organisé la résistance. L'Allemand était un homme mortel. Mais qu'en est-il de l'être humain qui présentement est dans un mécanisme de souffrance, qui présentement est dans un mécanisme de maladie, qui présentement est dans un mécanisme de peur, de possession, dans un mécanisme où il n'arrive pas à s'en sortir? Qu'arrive-t-il à cet homme, à cette femme ou à cet enfant? La même chose. Si on ne lui dit pas qu'il peut s'en sortir, ça, il n'essaiera pas de s'en sortir. Il va être bien. Ou il va être mal. Mais il va être comme ça. L'homme pense. Et l'homme pense que seule la faculté de penser permet à un homme ou à une femme de monter dans une société. C'est de l'intellectualisme, de l'intellectuance, de l'intelligence passive reliée à vos mémoires. Êtes-vous capable d'aller en cour fédérale ou en cour provinciale et de vous défendre seul, sans avocat? Vous allez vous faire avoir pour la grande majorité d'entre vous. Mais une personne qui a le savoir instantané, et le savoir instantané, ce n'est pas qu'il sait tout. C'est qu'il sait ce qu'il a besoin de savoir lorsque c'est utile. Exactement comme notre Pérouvien, qui est perdu dans la jungle, ne connaît pas tout. Tout ce qu'il sait, c'est que je veux aller là, je suis ici, alors je vais par là. C'est intelligent. Il sait ce qu'il a besoin de savoir. Alors vous allez en cours et on vous sort telle loi. Il n'y a pas un seul avocat qui peut aller écraser un homme ou une femme qui est relié à ce savoir spontané. Mais n'importe quel avocat peut écraser une personne qui n'a pas la connaissance de la loi si elle n'est pas reliée au savoir spontané. Pourquoi? Parce qu'elle ne pourra pas rien dire. On va lui dire que la première chose qu'on a dans le code civil, c'est que l'ignorance d'une loi n'est pas une excuse. Brillant. Alors que les avocats eux-mêmes ignorent des grandes parties de la loi, alors il faut les étudier avant chaque procès, ils vont refouiller dedans, et on oblige le citoyen qui n'a pas cette connaissance, on lui dit que le fait de ne pas connaître une loi n'est pas une excuse. Alors cela veut dire qu'on peut créer n'importe quelle loi et vous les ignorez. Donc vous restez assujetti à être totalement manipulé. Continuellement, vous ne pouvez rien faire. Ces temps-ci, on parle du protecteur du citoyen. Qui connaît le protecteur du citoyen? Ben, personne. Dernièrement, oui, ce soir, une personne me contait justement une aventure qui s'est passée dans un sous-sol où un jeune enfant a été suffisamment battu pour que lorsque la société a décidé d'intervenir, il avait les jambes brisées, il avait etc., un enfant de 5 ans. Mais ça l'a pris du temps avant que la personne, donc un voisin, se rende compte de ce qui se passait. Les fenêtres étaient barricadées, voilà. Et lorsque cela a été fait, ça a pris 2 semaines avant que la société... Parce que la société, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a envoyé une lettre enregistrée aux parents de l'enfant pour lui demander s'il battait l'enfant. Alors évidemment, personne ne battait personne. Et lorsque le voisin est rentré, qu'il a presque défoncé la porte et qu'il est venu engueuler, alors on a appelé la police parce qu'il y avait une chicane. Quand les policiers sont rentrés, ben là, ils ont pu voir. Mais est-ce qu'on peut s'en sortir? Est-ce qu'il y a moyen de... Ben oui. Mais si cela est ignoré dans la pensée de l'homme, non. Alors un jour, ils font un marginal, un fou, qui tout d'un coup a un flash, un contact avec le savoir spontané, qui tout d'un coup a une illumination, un contact avec le savoir spontané, qui tout d'un coup a une intuition, un contact avec le savoir spontané, et lui va dire ceci, cela, cela. Et là, c'est maintenant dans la pensée de l'homme. Et là, ça va germer. Mais il y a moyen d'être non plus assujetti à ce phénomène de la pensée et d'arriver à être connecté, on peut dire, à être relié, à exprimer la science instantanée, le savoir instantané, à exprimer ce qui ne se pense pas. J'ai déjà fait une conférence, là, quelque temps, qui s'intitulait « La parole est d'or ». Effectivement, l'homme, la femme et l'enfant qui voudra atteindre ce savoir spontané devra passer par le biais de la parole, c'est-à-dire qu'il devra parler. L'homme n'a pas présentement la faculté de se relier au savoir spontané sans passer par la parole. Alors moi, je vous prends dans un coin et je vous dis, qui est Dieu? Je te tue si tu me réponds pas. Tu vas trouver des réponses. Mais comme jamais t'en aurais trouvé si t'aurais pensé. C'est mon papa, il est plus fort que le tien. Exactement. Sauf que dans les réponses que tu vas trouver, il y a des maudites choses qui peuvent sortir, qui peuvent être drôlement intéressantes. Lorsque l'homme est acculé et que sa pensée ne sert plus, il se relie. L'homme souffre, et oui. Parce que si l'homme ne souffre pas, l'homme n'est pas acculé. L'homme n'est pas acculable. La parole. Parler. On peut, par la parole, exprimer la pensée. On peut divaguer, on peut spéculer, on peut s'amuser. Mais ce n'est pas ça. Vous parlez et vous vous observez. Vous parlez et vous restez attentif de ce que vous dites. Si vous préférez, discutez, enregistrez et écoutez-vous. Vous allez dire, voyons, non, mais je suis bien ça. Parfait. Parlez et observez-vous. Et lentement, assez rapidement même. Le mécanisme d'expression d'un verbiage inutile va lentement s'effacer pour tendre à laisser sortir des réponses qui vont vous surprendre. Et là, l'homme médiocre, la femme médiocre va dire, ben oui, mais tu sais, je réponds ça, mais ça veut pas dire, tu sais, que je sais pas, moi, si c'est correct, ça. Elle redescend dans le monde des morts. Moi non plus, je le sais pas, mais c'est-tu grave? Parce que si tout le monde le dit, ça veut pas dire que c'est mieux. Puis si tout le monde le pense, ça fait 20 ans qu'on le pense, ça veut pas dire que c'est mieux. Fait que ça, on sait pas plus si c'est mieux ou pas mieux. Mais une chose qui est certaine, c'est que pour la première fois peut-être de votre vie, c'est qu'il y a quelque chose qui va sortir de votre bouche qui va venir de vous. Et ça, c'est mieux. Ça, c'est mieux. Que de dire quelque chose qui vient de la conscience collective de tout le monde. Si ce que vous dites est identique à ce qui a été dit, c'est pas grave. Peut-être que c'est vrai pareil. Peut-être que pour la première fois, vous allez avoir l'impression égoïque de répéter quelque chose qu'un autre a dit, tandis qu'en réalité, vous ne le répéterez pas. Vous allez le dire. Ce qui est pas pareil. Lorsque vous allez dire quelque chose qui va venir de vous, même si quelqu'un d'autre le dit, ça vous appartient. Mais lorsque vous répétez des choses, même si ça fait bien, même si ça résume bien votre pensée, ce n'est pas rien d'autre qu'une répétition. Un manteau qu'on met. Parce que, exactement comme si je dis, je m'habille en Superman, parce que ça réfléchit bien ma pensée. C'est moi. Alors voilà. Lorsqu'on prend la phrase de quelqu'un, puis on la dit toujours, parce que ça résume bien la pensée, c'est la même chose. C'est comme porter l'habit d'un autre, parce que ça résume bien notre psychologie. C'est pareil. Parlez. Parlez entre vous. Pas de Dieu, de ci, de ça. Parlez. Et observez ce que vous dites lorsque vous parlez. Premièrement, vous allez apprendre de vous. Et deuxièmement, vous allez être capable lentement de vous dégager de la pensée pour vous diriger vers un savoir instantané. Ce n'est pas l'homme qui le donne, c'est l'homme qui le crée. C'est la femme qui le crée. Facile. Sauf que si la pensée pense que dans le temps d'une seconde ou dans le temps de le dire, elle aura ce contact avec l'intelligence spontanée, non. Faudra que la pensée ne pense plus. Pas qu'elle pense qu'en faisant ceci ou cela, ça va aller plus vite. Parlez. La parole est d'or. Dans l'antique monde pycéen, dans le monde de l'être ancien, silence est d'or, la parole est d'argent. Pardon, le silence, ouais, c'est ça. Mais au niveau de l'homme nouveau, le silence est d'argent, la parole est d'or. Mais il faut faire attention au verbiage inutile. Observez ce que vous dites. Vous allez rire. Et vous allez lentement apprendre de vous. Alors, c'est intéressant de voir que ce que tu exprimes au niveau de la parole correspond à un aspect d'action et la pensée dans sa forme de réflexion, est un frein. Et que l'homme est vraiment heureux quand il est en action. On est toujours malheureux quand on est dans une situation d'inertie, c'est ça. Et à travers les exemples que tu as donnés, là, il m'en venait d'autres. Comment on pouvait comprendre à quel point la pensée était un frein de l'action. Si on prend le phénomène du vertige, par exemple, si on mettait une poutre ici, d'un pied de large sur 100 pieds de long, et que j'essayais de marcher dessus, j'aurais pas de problème à aller jusqu'au bout. Mais si on met la même poutre entre les deux buildings de la place Ville-Marie, qu'est-ce qui se passe? Je pense. Et au moment où je pense, je tombe. La crainte s'empare de moi, c'est du phénomène de la pensée. C'est un très bon exemple. C'est exactement ce que fait la pensée. Parce que le somnambule, lui, connaît pas ça. Il pense pas. Donc, il peut se promener sur des gouttières, sur un toit, n'importe quoi. Tant qu'il n'y a personne qui le réveille pour lui faire prendre conscience, tant qu'il n'y a personne qui lui fait réaliser qu'il pourrait penser, il est en sécurité. Il n'y a pas de problème. Dès qu'il pense, il est fait. Pourquoi, dans un incendie, une personne est-elle capable de descendre par les fenêtres, par la brique, pour arriver jusqu'en bas, tandis que dans un temps serein, il assurait faire ça? C'est complètement stupide. Mais à un moment donné, il n'y a plus de pensée. L'instinct de survie. L'énergie intentionnelle, la vie, ce qui préserve le corps, finit par passer, l'ego est parti sans entraîner le corps dans une panique. Parfait, la personne va s'en sortir. Il y a toujours moyen de s'en sortir. Il y a un exemple encore plus simple, c'est tout le monde l'a déjà fait, vouloir traverser par exemple le salon ou lorsqu'on va chercher avec son plateau un repas dans un self, puis qu'on se promène avec le plateau avec des verres, puis sa soupe, etc. Plus on se concentre dessus, puis plus on en renverse, hein, on n'avance plus. Puis si tu regardes les garçons de table, etc., dans les restaurants, ils pensent pas, ils avancent comme ça, ils passent avec 3 douzaines de verres au-dessus de la tête sur un plateau. C'est ceux qui sont assis qui passent. Ouais. Il n'y a pas de problème, c'est drôle ça. En tout cas, ça illustre très bien donc, cet aspect d'interférence de la pensée. Et j'ai retenu aussi dans ton exposé, dans la première partie, principalement que ce qui se pense, c'est ce qui est du passé, c'est ce qui est vieux et c'est ce qui est connu. Et tout ce qui ne se pense pas, c'est le contraire de ça, c'est ce qui est continuellement neuf, totalement inconnu, donc à découvrir. Ça ne peut pas se penser. Donc les mystères, ça ne devrait plus subsister, ça ne devrait plus exister pour quelqu'un qui ne pense pas, puisqu'il aurait accès à ce savoir spontané, il pourrait défaire le mystère. Dans le mystère, on nous dit « cherchez pas à comprendre ». Cherchez pas à comprendre, acceptez-le comme ça. Donc, ça remet un peu la foi en question. Quelqu'un qui ne pense plus ou qui peut répondre à ce qui ne se pense pas, c'est-à-dire à l'inconnu, il n'y a plus de mystère pour lui, il n'y a plus de foi non plus. Ma foi, non. Non, le fait d'être totalement indépendant de ta mémoire fait que Dieu est ceci. Hein, quoi? Ah, Dieu est ceci. Ah. Quoi? T'oublies. Tu oublies et tu t'en fous. Pour la simple raison que s'il se passe quelque chose, tu sais tout. Mais si tu veux savoir, tu vas reprendre ce que la personne t'a dit, mais tu dois pouvoir te le réapproprier ou te le redéfinir dans tes termes à toi ou dans ta façon de le Exactement. Voir. Tu n'es plus obligé d'accepter quelque chose comme une doctrine ou un dogme à ce moment-là. C'est pour ça que la foi n'est pas nécessaire à ce moment-là. Ben, la foi, de toute façon, c'est quelque chose qui disparaît au fur et à mesure que l'homme a accès à ce savoir spontané pour la simple raison que la croyance, la foi, qui est une croyance, disons, exagérée dans un concept, ne peut pas vivre lorsque tu sais. Alors, je crois qu'il y a de l'eau dans le verre. Ben là, je crois plus, je le sais. Alors, ça n'empêche rien. Il y avait de l'eau dans le verre, mais maintenant, je le sais. Et je sais aussi que il en manque ici. Je ne crois pas. Plus l'homme va vers ce savoir spontané, plus l'homme est totalement libéré de la peur qu'il a de vivre. Et la mort fait partie de la vie, c'est la vie. Tu vis une mort. Alors l'homme n'a plus peur, pour la simple raison que de toute façon, quoi, je meurs pas, donc je ne connais rien de la mort, et c'est tout à fait normal. Par contre, j'ai un problème là, je règle le problème, je connais tout du problème. Et une fois qu'il est réglé, je me dis pas que j'ai bien réglé. Problème, quel problème? Là, je continue à vivre, moi. Et si tu veux discuter avec moi et que tu me dis « qu'as-tu fait hier? » Ben, c'est de l'instantané. Alors, je vais te dire ce que j'ai fait hier. Mais je ne revis pas ce que j'ai fait hier. Je peux aller me connecter à ce savoir qui reste présent, le passé reste présent, c'est pour ça qu'on y en a, on y a accès, et je te dis ce que j'ai fait hier. Je peux même te dire ce que t'as fait hier. Parce que je vais fouiller dedans tes mémoires à toi. C'est le même phénomène. On a des personnes qui apparaissent comme des génies pour la simple raison qu'ils ont la faculté non pas exclusive de fouiller dans leur mémoire, mais ils ont aussi la faculté de fouiller dans les mémoires des autres. Donc, de se relier à la connaissance planétaire, à fouiller dans ce ciel planétaire, dans l'astral collectif. Et lorsque l'être devient plus que le génie, le surhomme de Robindo, l'homme nouveau de Daniel Kemp, bon, il a accès à ce savoir spontané. Alors, si cela n'a pas été expérimenté à l'échelle de la planète, souvent en conférence, je dis des choses qui n'ont jamais été dites, qui sont inédites et inécrites. Pour la simple raison que, effectivement, ça n'a jamais été dit, ça n'a jamais été pensé, ça fait partie de ce qui ne se pense pas. Et ça n'a aucune importance, et je ne demande jamais si c'est correct ou non, si c'est vrai ou non. Parce que de toute manière, par la parole, il ne peut pas sortir quelque chose d'authentique. C'est automatiquement déformé par la limitation du mot. Mais c'est intelligent dans l'actualité de prendre ces mots-là pour communiquer cette énergie-là. Alors moi, personnellement, je m'en fous. Je peux te parler de n'importe quoi, et je peux te dire que c'est vrai. Je peux te dire présentement quel problème mécanique il y a sur ton automobile. Mais est-ce que c'est vrai ou faux? Ça n'a aucune importance. Et l'ego, par exemple, je peux te dire que tu as un frein sur l'une de tes roues qui s'use inutilement. Et toi, tu peux dire, « Hey, mais c'est vrai, justement, j'entends. » Et là, t'es tout épaté. Mais tu peux aussi dire, « Bon, non, moi, je sais pas, parce que tu le sais pas. » Mais ça change quoi, quoi? Rien, rien. Sauf que chez l'homme ancien, lorsque tu arrives avec ton savoir spontané, ah, il te prend immédiatement pour quelque chose que lui n'arrivera jamais à obtenir. C'est faux. Un être lié au savoir spontané, il a la faculté incroyable que l'homme ancien n'a pas. Enfin, il l'a plus que certains hommes anciens. Celui de donner des coups de pied au derrière. Alors, celui qui est relié au savoir spontané, lorsqu'un être humain, un homme ancien, une femme ancienne vient le voir, qu'il est là, que les grands yeux et qu'il admire, il sort de ses pieds. Il botte derrière pour la simple raison que tout ce qui est mort ne peut même pas se coller à ce qui est vivant. Alors, le gourou qui médite, le gourou qui se sert de l'énergie des autres, le gourou qui a besoin des autres, lui peut faire partie, parce qu'il fait partie de ce qui est mort. Il n'y a pas beaucoup de choses de vivants sur la planète Terre. Il y a les enfants qui sont vivants, jusqu'à un certain âge où on apprend, où on leur montre à mourir. Parce que l'enfant innove. L'enfant joue avec rien, jusqu'à temps où il apprend à penser. Alors là, il a besoin de jeux qui lui permettent de penser. Parce qu'il commence à avoir un plaisir à penser, mais il se déconnecte de la vie. C'est-à-dire que plus l'enfant apprend à penser, plus l'enfant apprend à mourir, et plus l'enfant apprend à être sécurisé dans son cadre de pensée. Mais à l'instant même où tu sors l'enfant de la maison, tu le fous d'une garderie, là, sa pensée ne peut pas penser là. Alors l'enfant pleure, l'enfant agit. Et lorsque l'enfant a été sécurisé par la garderie, maintenant il peut penser dans la garderie, il connaît les noms des personnes qui sont là, il connaît ceci, il connaît cela, il sait où prendre des jouets, il sait où aller faire pipi. Bon, alors là, ça va bien. Et là, tu le sors, tu changes d'école. C'est encore un gros stress pour l'enfant. Sauf que si l'enfant apprend non pas à penser, mais apprend à être efficace. Si on apprend à l'enfant à vivre, si on lui montre comment apprendre... Si on lui montre qu'il peut apprendre et comment apprendre, lorsque l'enfant le met dans une garderie, il observe et automatiquement il installe la garderie de façon à ce que ça lui va. Et si on le met dans une autre école, il organise l'école pour que ça lui plaise. Souvent on va dire il est égoïste, non. Parce que s'il rencontre une classe comme lui, ils vont s'entendre à merveille. Mais s'il rencontre des enfants qui pensent, ben il va simplement les manipuler. Ce qui est tout à fait intelligent et correct. Alors, il rentre dans une maternelle, et là, les jouets sont ceci, sont cela, il aime ça, il prend ce qu'il veut, quelqu'un en veut, il veut pas. La personne, elle est comme lui, ils vont s'organiser, partager, ils vont former un petit clan. Mais plus la personne, elle va apprendre à ne pas penser, plus l'enfant va apprendre à ne pas penser, parce qu'à un moment donné, on leur montre, sinon à penser bien, à penser mal, ce qui fait que ça crée d'autres conflits. Alors, si elle apprend à ne pas penser, elle va toujours être capable d'être efficace. Elle ne fera pas un stupide. Le stupide, il pense mal. Le sixième sens dont on parle, c'est un peu ça? Oui, oui. Le sixième sens, celui qu'on parle, je le catalogue, le 21e sens. Est-ce que c'est une faculté qu'on avait à l'origine et qu'on a perdue, qu'on doit redécouvrir? C'est pas important. Mais c'est une faculté qu'on a, qu'on peut exprimer, par exemple. C'est une faculté que chaque être humain a. Il doit parler. Il doit observer lorsqu'il parle. Et ça ne sera pas long qu'il va être capable lui-même, en parlant, de dire « Bon, ben, sais-tu que ça sert à rien, ce que je dis là? » Mais parler à qui? À d'autres. Sinon, à lui. en s'enregistrant, mais à d'autres. Et on va dire, oui, mais ma femme, mon mari veut rien savoir. Pas de problème. Il y a des endroits où tu peux rencontrer du monde avec qui tu peux parler. Il y a sur ton travail aussi, mais pas parler nécessairement de choses pétées. De dire, de jaser de coudes. On parle, hein, il fait-tu mauvais, hein? Bon. Collègue, on dit plus rien. Ah ouais, tu perds ton temps, tu perds ton énergie. Oui, mais ça passe le temps. Et oui, la pensée, elle a besoin de vivre pour vivre. Donc, elle a besoin d'être là. Donc, tu as besoin de passer le temps, de penser. Tu viens pour te coucher et ça passe tout seul. Savoir instantané, ça fait pas ça. Ça te permet de dormir. Tu t'ennuies parce que tu penses un paquet de choses. T'es pris par ta pensée. C'est ça, la limitation de la pensée. Je vais écrire un livre un jour. C'est la limitation de votre esprit. Les limitations de votre pensée. Faire concurrence au pouvoir de la pensée, à la puissance, son subconscient et tout ça. Parce qu'en fin de compte, l'homme est limité par cela. Parce que quand l'homme dit « je veux être en santé », il cesse de se rendre malade, mais il ne se met pas en santé pour vous. On va dire souvent « pense pas à ça dès que ça arrive ». Mais on s'empêche pas de penser à gagner, par exemple. Pourquoi ça arrive pas? On fait toujours de l'overtime avec la pensée. Des heures supplémentaires. Immédiatement, toujours pour vous. Alors, on prend une petite pause pour penser. Ouais, pensez bien à vos questions. Pensez les plaies. Merci de votre attention. Merci, Daniel.